Radiomatique. Audiomatique s'ouvrait sur la composition Electronic News du groupe de Cosmic Jokers. La composition est tirée de l'album Planeten Sit-In, paru en 1974. Et maintenant, c'est au tour du duo français Compromat d'assurer la continuité audiomatique. Ich bewege mich. Ich bin ein Stein. Ich bin ein Stein unter einem Stein, unter einem Stein. Ich bewege mich so langsam, dass ich unbeweglich aussehe. Wutbach, Wildbach, Bäche von meinem Tränen. Niemand hört es, als ich schreie. Niemand hört es, als ich schreie. Niemand hört es, als ich schreie. Niemand hört es, als ich schreie. Nous avions droit à Audiomatique, à la formation parisienne Junior, de son troisième album studio 3-2-1, paru en 2024. Nous vous avons présenté la chanson En fumée. Précédemment à Junior, nous avions droit à l'autrice, compositrice, interprète et multi-instrumentiste française Léonie Pernet et sa chanson « Les chants de Maldoror », extraite de son deuxième album « Le Cirque de Consolation », lancé en 2021. Et en amorce de séquence, il s'agissait du duo français Compromat, formé de Julia Lanoé, qui œuvre sous le pseudonyme de Rebecca Warrior, et de Pascal Arbès-Nicolas, qui œuvre sous le pseudonyme de Vitalik. Du premier album de Compromat intitulé Traum und Existenz, sorti en 2019, nous écoutions le premier simple, soit la chanson Niemand. La transmission 589 d'Audiomatique se poursuit sur la musique du projet suédois Solar Fields. Audiomatique, cette séquence de deux pièces se concluait sur la musique de l'artiste Martin Non-Static, de qui nous écoutions une version en concert de sa pièce Layers of Space qu'on peut retrouver sur l'album Live in Athens. La version originale de la pièce Layers of Space est exclusive à la compilation Isolated produite par l'étiquette de disque Ultimate Records. Avant Martin Non-Static, c'était le projet Solar Fields qui nous offrait aussi une version live de la pièce Sol, enregistrée lors d'un concert à Gothenburg en 2016. Celle-ci apparaît sur l'album intitulé Version, alors que la composition originale se retrouve sur l'album Movements, paru en 2009. Audiomatique se poursuit maintenant avec le groupe français Grand Blanc. Faites-moi taire, faites-moi taire, faites-moi taire, faites-moi taire. Je veux une vie de printemps. Simplement. Ses yeux d'hiver, ses yeux d'hiver. Si cassant. Il brise ma beauté devant. Ne vous gênez pas, dansez. identité. Audiomatic, c'était la formation française La Femme de son deuxième album Mystère qui est paru en 2016. Nous avons diffusé la pièce Al Warda. Tout juste avant, nous vous avons offert le groupe français Mademoiselle K, mené par Catherine Guirac, du troisième album de Mademoiselle K, intitulé Jouer dehors, lancé en 2011. Vous avez entendu la chanson Sioux. Et la formation française Grand Blanc débutait ce bloc musical avec la chanson Montparnasse, que l'on peut retrouver sur son premier album, Mémoire vive, sorti en 2016. Cette transmission d'Audiomatic se conclura sur la musique de Los Hermanos Bayumbrosios, qui est un groupe composé de 5 frères issus de la communauté afro-péruvienne. Dans leur album intitulé « Homenaje a El Carmen », nous allons entendre la pièce « Atajo de Negritos ». Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatic-cfou. Si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Alors voici pour terminer Los Hermanos Bayumbrosio avec la composition Atajo de Negritos. C'était Audiomatic avec les sonoristes. Como será, decidido como será.